Je ne suis pas favorable à votre démocratie. Elle fait partie de votre système impur. Je donnerai ma voix à l'amour quand il y en aura. Sûrement pas dans votre futur. Le système est un mirage et je demande que justice soit faite. Je plaide coupable au nom de l'homme qu'il soit jugé pour ses crimes, car j'ai hâte de pouvoir penser que nos mains ne sont pas tachées de sang et que chaque lendemain ne sera pas fait que de ça. Cela fait longtemps et malgré mon jeune âge que j'ai rejeté ta société qui entre les hommes crée des barrages. Je ne compatis pas ta démocratie et je voterai pour l'amour, pour la sagesse d'un monde plus pur, sans arrière-goût amer. J'ai fait un rêve si délicat entre le ciel et la terre où je ne voyez tous fils d'une belle et même mère. J'ai abandonné depuis longtemps de comprendre l'homme et ses failles, car où que l'on aille, et même avec des ailes, je rechercherai ce besoin d'amour qui me trahit. Je suis un cœur généreux qui a fait trop de sursis, et je cherche que la paix dans et autour de moi. Et si l'homme avait la foi, et si l'homme était fou, et si l'homme n'était fait que pour une corde autour du cou. Les gens en aient plein le cul, des cauchemars qui deviennent réalité, car la terre s'entretue, une bien triste humanité. Nous sommes des drogués de nouveautés, de gadgets et de télé. Les choses essentielles de la vie, nous les avons oubliées. Chacun a peur d'autrui, nous sommes tous en manque de parole. Un peuple qui sourit quand il voit son armée en parade. Ce sont des terroristes à qui on fournit de vraies bombes. Ils tuent avec nos balles des familles qui sont mises dans l'ombre. Et le pire dans tout ça, tu vas me dire que ceci n'est pas dû à cause de toi. Je te garantis que si on favorise la guerre en suivant ce système infâme, cette société impure dirigée par une grande dame. L'argent est dans les mœurs, et pour elle des gens meurent, pour elle les gens pleurent. Placé sous le signe de la peur, c'est à toi seul de choisir l'anéantir ou l'enrichir, car le système de cette terre ne sera que de rire en pire. Que de rire en pire. Je ne suis pas favorable à votre démocratie, elle fait partie de votre système impur. Je donnerai ma voix à l'amour quand il y en aura, sûrement pas dans votre futur.